Tiré du recueil « Traces d'ailleurs, les antipodes » par Éric Arasim. C'est toujours au large où palpitent les eaux de créatures informes que le cercle se ferme et que les oiseaux fantômes guident les courants des destins infinis vers de nouveaux secrets. Chaque matin est le commencement absolu de l'histoire du monde. Depuis l'origine des temps, elle m'attendait sur ses rivages la solitude. Avec son compagnon obligé, le silence. Voguant autour des îles, des mers australes, le son des tam-tams maoris firent se lever les vents. J'ai longtemps recherché une terre inconnue, planquée au fond des eaux de cette mer limpide, enveloppée de chlorophylle et de soleil levant. Le souffle des grandes terres berce tous les sommeils. Esprit malin de la côte, ouvert là-bas, en ouest des nuages reflétant l'horizon, le chant des femmes autour des tikis, ces idoles de pierre t'invitent à les rejoindre. Elles t'envoient les vagues des mers du sud jusqu'aux récifs coralliens pour mieux t'envoûter. Des odeurs de brume. Ici se terminent les antipodes tirés du recueil Traces d'ailleurs par Éric Arasim. Illustration musicale de Pascal Mancarelli. Enregistré par Christiane Jehan sous licence CC BY NC ND.